Vers 6 heures du matin, le lundi, « Nous voilà, dit le docteur, dans un pays inexploré. Le capitaine Burton s'est avancé fortement dans l'ouest, mais il n'a pu atteindre ces montagnes célèbres. »« Est-ce que nous les franchirons ?» demanda Kennedy. « Non pas, s'il plaît à Dieu. J'espère trouver un vent favorable qui me ramènera à l'équateur. »« Notre but est de pousser une pointe du côté des sources du Nil, et nous avons plus de 600 milles à parcourir, jusqu'à la limite extrême atteinte par les explorateurs venus du nord. » À midi, le Victoria dépassait le village d'Uyufu, dernière limite septentrionale de l'Unyamwezi. Il fut décidé, entre les trois voyageurs, qu'ils accosteraient la terre au premier emplacement favorable. On devait faire une halte prolongée, et l'aérostat serait soigneusement passé en revue. Tout à coup, le ballon éprouva une forte secousse. « L'ancre a dérapé !»« Un éléphant, Samuel !» Le docteur reconnut un mâle d'une magnifique espèce. Il portait deux défenses blanchâtres, d'une courbure admirable et qui pouvait avoir 8 pieds de long. Les pattes de l'ancre étaient fortement prises entre elles. L'animal prit un galop fort rapide. Cette course, à la suite d'un éléphant, dura près d'une heure et demie. Un bois épais de camaldor apparaissait au nord de la prairie. Il devenait dès lors nécessaire que le ballon fût séparé de son conducteur. Kennedy fut donc chargé d'arrêter l'animal dans sa course. 10 coups de feu retentirent. « La magnifique bête !» s'écria Kennedy. « Quelle masse! Je n'ai jamais vu dans l'Inde un éléphant de cette taille !»« En attendant, » répondit Joe, « je m'engage à vous procurer un repas succulent aux dépens de cet animal. » Il détacha adroitement la trompe et joignit un des pieds spongieux de l'animal. Puis, Joe retira le dîner de la fournaise. L'aérostat ne paraissait pas avoir souffert de la tourmente. Depuis 5 jours seulement, les voyageurs avaient quitté Zanzibar. Il n'y eut donc que la réserve d'eau à renouveler. Son examen terminé, le docteur s'occupa de mettre ses notes en ordre. Il fit une esquisse très réussie de la campagne environnante. Cette campagne semblait tranquille, tellement tranquille que le docteur résolut de passer la nuit à terre. La nuit s'acheva sans incident fâcheux.